Parce qu'il a l'air de partir de maladie. Oui, c'est tellement qu'il est malade. Oui, malade. Oui, et c'était comment? Mais quoique, parce qu'il n'y a pas de scène. Non, je crois pas. On ressent surtout à ça. Ouais. Et puis, non, mais c'est très. Ouais, ouais. Donc je fais partie des mecs qui sont je suis pas fan. Je me souviens que je crois qu'entre les deux, une scène très rapide. C'est vrai. On a monde de sa mort. Et ouais, voilà, bah, c'est la guerre avec la caisse des deux roses. Mais en fait, non, je crois qu'on a appelé ce nom parce que c'est dans un jardin. Si. Oui, voilà, bah, c'était des cousins, les Lancastre et les York. Et en fait, toi, tu es le roi des victorieux, les York. Mais sauf que t'es malade. Et pourquoi dans un jardin? Dans un jardin. Alors, je crois que c'était une histoire de couleur de l'assassin Michel Rouge. Marguerite, ils ont gardé ou pas dans cette version? Marguerite de Nigeria. Elisabeth Catherine, c'est juste. Ah oui, c'est vrai. Je suis un questionnaire. Il y a une rose de ça, c'est pas une rose. Ça, c'est le costume. Voici l'hiver de notre déplaisir, changé en glorieux été par ce fils d'York. Et tous les nuages qui menaçaient notre maison, ensevelis au sein profond de l'océan. Voici un front par les grenades, nous avons embrêché ce point entrefait, nous avons changé en guerre en contre, une marche redoutable en palan exquise. Guerre. Lugubre masque a déridé son front. Et désormais, au lieu de chevaucher des coursiers harnachés pour effrayer les âmes d'ennemis timorés, il fait le lest et le cabri dans le boudoir d'une dame, au son lascif et langoureux d'un luth. Mais moi, qui ne suis pas formé pour ces folâtres jeux, ni fait pour courtiser un amoureux miroir. Moi qui suis marqué au sceau de la rudesse et n'ai pas la majesté de l'amour pour m'aller pavaner devant une impudique nymphe minaudière. Moi qui suis tronqué de nobles proportions, floué d'attrait par la trompeuse nature, difforme, inachevé, dépêché avant terme dans ce monde, haletant à peine à moitié fait, si boiteux et si laid, que les chiens aboient quand je les croise en claudiquant. Bien moi, en ce temps de paix, allongui à la voix de fausset, je n'ai d'autre plaisir pour passer le temps que d'épier mon ombre au soleil et de fredonner des variations sur ma propre difformité. Et donc, si je ne puis être l'amant qui charmera ces jours-ci de par vous, je suis déterminé à être un scélérat et à haïr les frivoles plaisirs de ces jours. J'ai tramé des intrigues, de perfides prologues, grâce à des prophéties d'ivrognes, des libelles et des rêves, pour dresser mon frère Clarence et le roi en haine mortelle l'un contre l'autre. Et si le roi Édouard est aussi franc et droit que je suis rusé, fourbe et traître, aujourd'hui même, Clarence sera bouclé d'après une prophétie qui dit que G, les héritiers d'Édouard, sera le meurtrier. plonger et penser au fond de mon âme. Frère. Bonjour. Que signifie cette escorte en armes qui accompagne votre grâce ? Sa Majesté, soucieuse de la sécurité de ma personne, a désigné ce cortège pour me conduire à la tour. Mais que se passe-t-il, Clarence ? Puis-je savoir ? Oui, Richard, quand je le saurai. Car je proteste que je ne le sais pas encore. Mais à ce que j'apprends, il interroge des prophéties et des rêves. Et à l'alphabet, arrache la lettre G. Et il prétend qu'un sorcier lui a dit que par G, sa lignée serait déshéritée. Et parce que mon prénom, Georges, commence par un G, il s'ensuit dans sa pensée que je suis celui-là. Voilà, à ce que j'apprends, le genre de fantaisie qui ont poussé son Altesse à m'écrouer aujourd'hui. Eh oui. Voilà ce qui arrive quand les hommes sont gouvernés par les femmes. Ce n'est pas le roi qui vous envoie à la tour. C'est sa femme, Élisabeth Clarence. C'est elle qui le façonne et l'entraîne à cette extrémité. N'est-ce pas elle et son frère qui ont fait envoyer Lord Hastings à la tour ? Nous ne sommes pas en sûreté, Clarence. Nous ne sommes pas en sûreté. Par le ciel, je crois que personne n'est en sécurité, hormis la parenté de la reine. Je vais vous dire. Je crois qu'il nous faudra, pour garder les faveurs du roi, être de ces gens et porter sa livrée. La jalouse veuve Fripée, depuis que notre frère l'a adoubée gente dame, est une puissante commère dans notre monarchie. Je supplie vos grâces de me pardonner toutes deux. Sa Majesté m'a donné de strictes instructions pour que personne, quel que soit son rang, n'ait d'entretien particulier avec son frère. Nous sommes les serviles sujets de la reine et devons obéir. Frère, adieu. Je vais aller trouver le roi et quel que soit le service que vous me demanderez, fût-ce d'appeler sœur la veuve du roi Édouard, je l'accomplirai pour vous libérer. Cette profonde disgrâce entre frères me touche plus profondément que vous n'imaginez. Je sais qu'elle nous déplaît à tous deux. Allez, votre emprisonnement ne sera pas long. Je vous délivrerai ou me livrerai à votre place. En attendant, prenez patience. Il le faut bien. Adieu. Va. Foule le sentier par lequel jamais tu ne reviendras. Simple. Naïf, Clarence. Je t'aime tant que je veux d'ici peu envoyer ton âme au ciel. Si le ciel veut bien recevoir ce présent de notre main. Mais qui vient là ? Hastings, nouvellement libéré. Bonjour à mon gracieux seigneur. Bonjour de même à mon bon seigneur Chambellan. Vous êtes le bienvenu à l'air libre. Comment votre seigneurie a-t-elle supporté l'emprisonnement ? Avec patience, noble seigneur, comme il sied aux prisonniers. Mais je vivrai assez, mon seigneur, pour payer de merci ceux qui furent la cause de mon emprisonnement. Sans doute. Sans doute. Et Clarence aussi. Car ceux qui furent vos ennemis sont les siens et ont prévalu sur lui comme sur vous. C'est grand dommage que les aigles soient mis en cage quand Milan et Buse chassent leur proie en toute liberté. Quelle nouvelle au dehors ? Aucune aussi mauvaise que les nouvelles d'ici. Le roi est malade, faible et mélancolique, et ses médecins sont très inquiets pour lui. Voilà une fort mauvaise nouvelle. Il a suivi longtemps un régime néfaste et bien trop dissiper sa royale personne. Cette pensée est très cruelle. Où est-il, dans son lit ? Oui. Allez devant, je vous suis. Il ne peut pas vivre, j'espère, et ne doit pas mourir avant que Georges ne soit expédié en train de poste au ciel. Rentrons exciter davantage sa haine contre Clarence par des mensonges cuirassés d'arguments de poids. Et si je n'échoue pas dans mon profond dessein, Clarence n'a pas un jour de plus à vivre. Cela fait que Dieu prenne le roi Édouard dans sa miséricorde et me laisse le monde pour m'y activer. Car après, j'épouserai la plus jeune fille de Warwick, Lady Anne. Qu'importe que j'ai tué son mari et son père. Et voilà que je cours au marché devant mon cheval. Clarence respire encore. Édouard vit et règne encore. Je ne compterai mes gains que quand ils seront morts. Pauvre effigie glacée d'un saint roi. Cendre blême de la maison de Lancastre. Reste exsangue de ce sang royal. Qu'il me soit permis d'invoquer ton fantôme et de l'inviter à entendre les lamentations de la pauvre Anne. Femme de ton Édouard, ton fils assassiné, poignardé par la main même qui fit ses blessures. Voici que ces plaies ouvertes qui laissèrent échapper ta vie, je verse le baume impuissant de mes pauvres yeux. Maudite soit la main qui te fit ces trous. Maudit le cœur qui eut le cœur de faire cela. Maudit le sang qui fit couler ce sang. Que sur le misérable exécré qui nous rend misérables par ta mort s'abatte un sort plus terrible que je n'en peux souhaiter aux serpents, araignées, crapauds ou à toutes les créatures rampantes et venimeuses qui sont en vie. Si jamais il a un enfant, que ce soit un avorton, un monstre mis au jour avant terme dont l'aspect hideux et contre nature effraiera sa mère et brisera son espoir, et qu'il soit l'héritier de sa monstruosité. Si jamais il prend femme, qu'elle soit rendue plus malheureuse par sa mort que je ne le suis par mon jeune seigneur et par toi. Quel noir sorcier conjure ce démon pour entraver des actes pieux et charitables ? Guerrière, toi, ministre de l'enfer ! Tu n'avais de pouvoir que sur son corps mortel. Son âme, tu ne peux pas l'avoir. Alors aussi va-t'en ! Sois sainte, par charité moins de hargne. Abject démon, va-t'en ! Et ne nous trouble pas ! Car de la terre heureuse, tu as fait ton enfer. Tu l'as rempli de cris imprécatoires et de clameurs profondes. Si tu prends plaisir à voir tes odieux forfaits, contemple cet emblème de tes boucheries. Madame, vous ne connaissez pas les règles de la charité qui rend le bien pour le mal et les bénédictions pour les malédictions. Sire, tu ne connais ni loi divine ni loi humaine. Il n'est pas de bête si féroce qui ne connaisse quelque pitié. Mais je n'en connais aucune et donc ne suis pas une bête. Oh, prodige. Quand les démons disent la vérité. Plus grand prodige encore. Quand les anges sont si furieux. Daigne, divine perfection de la femme, de ces crimes supposés me permettre par le menu de me disculper. Daigne, maligne infection d'homme, de ces crimes connus me permettre par le menu d'accuser ta maudite personne. Beauté, que la langue ne peut décrire, laisse-moi le patient loisir de m'excuser. Hideur, que le cœur ne peut concevoir, tu ne peux trouver d'autre excuse véritable que de te pendre. Par un désespoir, je m'accuserai. Par ce désespoir, tu t'excuseras en vengeant dignement sur toi-même les indignes meurtres commis par d'autres. Supposons que je ne les ai pas tués. Autant dire qu'ils n'ont pas succombé. Mais ils sont morts, esclaves diaboliques et de ta main. Je n'ai pas tué votre mari. Alors, il est encore en vie? Non. Il est mort, assassiné par la main d'Edouard. Par ton infecte gorge, tu mens. La reine Marguerite a vu ton glaive meurtrier, tout fumant de son sang. Et tu le dirigeas aussi un jour contre sa poitrine, mais tes frères en ont détourné la pointe. J'étais provoqué par sa langue calomnieuse qui rejetait leurs crimes sur mes épaules innocentes. J'étais provoqué par ton esprit sanguinaire qui n'a jamais rêvé que de boucherie. N'as-tu pas tué ce roi? Je vous l'accorde. Tu me l'accordes? Porc épic! Dieu m'accorde aussi que tu sois damné pour cet acte criminel. Oh, il était tendre, doux et vertueux. Tant mieux pour le roi du ciel qui le garde. Il est au ciel où tu n'iras jamais. Qu'il me remercie d'avoir aidé à l'y envoyer, car il était plus fait pour ce lieu-là que pour la terre. Et toi, tu n'es pas fait pour d'autres lieux que l'enfer. Si. Un autre, si vous voulez bien me l'entendre nommer. Quelque cachot? Votre chambre à coucher. Que l'insomnie s'abatte sur la chambre où tu couches. Elle le fera, madame. Jusqu'à ce que je couche avec vous. Je l'espère. Je le sais. Mais, douce Lady Anne, laissons cette âpre joute de nos esprits et suivons une méthode un peu plus calme. La cause de la mort prématurée d'Henri et Édouard Plantagenet n'est-elle pas aussi blâmable que le meurtrier? C'est toi qui en fus la cause et l'exécutant exécré. C'est votre beauté qui fut la cause de cet effet. Votre beauté. Qui me hantait dans mon sommeil et me poussait à entreprendre la mort du monde entier pour pouvoir vivre une heure seulement sur votre sein charmant. Que si je croyais cela, je te le dis, assassin, ces ongles arracheraient cette beauté de mes joues. Chère dame, celui qui t'a privé de ton mari l'a fait pour t'en donner un meilleur. Un meilleur ne respire pas sur cette terre. Il vit, celui qui t'aime plus que lui. Nomme-le. Plantagenet. Ah, c'était lui. C'est bien le même nom, mais il est de meilleure nature. Où est-il? Ici. Pourquoi craches-tu sur moi? Je voudrais que ce fût pour toi poison mortel. Jamais poison ne vint d'un lieu si doux. Jamais poison ne dégoûta d'un puits de crapaud. Et hors de ma vie! Tu infectes mes yeux! Tes yeux, tous d'âme, ont infecté les miens. Je voudrais qu'ils fussent des basiliques pour te frapper à mort. Je le voudrais afin de mourir une fois pour toutes. car à présent il me tue d'une vivante mort. Ses yeux, tes yeux, ont tiré des miens des larmes salées. Ce que des souffrances n'ont pu leur arracher, ta beauté l'a fait et les a aveuglés de pleurs. Ma langue n'a jamais su apprendre un doux mot caressant. Mais à présent que ta beauté s'offre en honoraire, mon cœur fier sollicite et presse ma langue de parler. Si ton cœur plein de vindicte ne peut pardonner, vois. Je te prête cette épée à la pointe acérée. Et implore humblement la mort à genoux. Non, n'hésite pas. J'ai bien tué le roi Henri. Mais c'est ta beauté qui m'y a poussé. Dépêche-toi. C'est moi qui ai poignardé le jeune Édouard. Mais c'est ton visage divin qui m'y a poussé. Relève cette épée ou relève-moi. Lève-toi, imposteur. Bien que je souhaite ta mort, je ne veux pas être ton bourreau. Alors, dis-moi de me tuer, je le ferai. Je te l'ai déjà dit. C'était dans ta fureur. Redis-le-moi. Redis-le-moi. Je voudrais connaître ton cœur. Il est peint par ma langue. Je le crains, tous deux sont faux. Alors, jamais homme ne fut vrai. Allons, rengainez votre épée. Dites alors que la paix est faite. Cela, tu le sauras plus tard. Mais puis-je vivre dans l'espérance ? Tous les hommes, j'espère, y vivent. Daignez porter cet anneau. Prendre n'est pas donné. Vois, comme mon anneau enserre ton doigt. Ainsi ta poitrine enclos, mon pauvre cœur, porte-les tous les deux, car tous deux sont à toi. Dites-moi adieu. C'est plus que vous ne méritez. Mais puisque vous m'apprenez à vous flatter, imaginez que je vous ai dit adieu. Femme, fut-elle jamais courtisée de cette façon? Femme, fut-elle jamais conquise de cette façon? Je l'aurai, mais je ne la garderai pas longtemps. Mais quoi? Mais quoi? Mais moi qui... moi qui ai tué son mari et son père? La prendre au plus fort de sa haine, des malédictions à la bouche, des larmes dans les yeux et tout près d'elle, le sanglant témoignage de ma haine? Avoir Dieu, sa conscience et tous ses obstacles contre moi et pourtant la gagner? Tout un monde contre rien. Et a-t-elle déjà oublié ce vaillant prince, un gentilhomme si doux et si gracieux, le vaste monde ne peut offrir son pareil? Et elle consent pourtant à abaisser ses regards sur moi? qui les faites veuves pour un lit de souffrance. Je me suis mépris tout ce temps sur ma personne. Sur ma vie, elle découvre en moi, je ne sais comment, un homme prodigieusement beau. Je veux faire la dépense d'un miroir, puisque je suis rentré en grâce avec moi-même. Bon, d'abord, je vais mettre ce gaillard-là dans sa tombe. Voilà. Prenez patience, madame. Nul doute que sa majesté ne retrouve bientôt sa santé coutumière. Votre angoisse ne fait qu'aggraver son mal. S'il mourait, que m'arriverait-il? Nul autre malheur que la perte d'un tel seigneur. La perte d'un tel seigneur contient tous les malheurs. Le ciel vous a béni d'un excellent fils pour être votre réconfort quand lui ne sera plus. Il est jeune! Et sa minorité est placée sous la tutelle de Richard Gloucester. Un homme qui ne nous aime pas, ni moi, ni aucun de vous. C'est donc conclu, il sera protecteur? C'est décidé. Ce n'est pas encore conclu. Mais il en sera sûrement ainsi si le roi vient à succomber. Voici venir le Lord de Buckingham. Bonjour à votre grâce royale. Avez-vous vu le roi aujourd'hui? À l'instant. Quelle apparence y a-t-il qu'il se rétablisse? Madame, il y a bon espoir, sa grâce parle avec entrain. Avez-vous conversé avec lui? Oui, madame. Il désire réconcilier le duc de Gloucester avec vos frères. Et ceci avec monseigneur le chambellan Hastings. Il les a appelés en sa royale présence. Je voudrais que tout aille bien, mais cela ne sera jamais. Je crains que notre bonheur ne soit à son apogée. Ils me font du tort et je ne le souffrirai pas. Quels sont ceux qui se plaignent au roi? Que, ma foi, je leur fais grise mine et ne les aime pas? Parce que je ne sais pas flatter, avoir l'œil avenant, sourire à la face des gens, caresser, enjôler, ramper, pratiquer les courbettes à la française et singer la courtoisie, on me tient pour un ennemi fielleux. Un homme sincère qui ne pense pas à mal, ne peut-il vivre sans que sa franche loyauté ne soit bafouée par de mielleux, sournois, insinuants gens foutre? À qui dans cette assemblée s'adresse votre grâce? À toi. Qui n'a ni honnêteté ni grâce. Quand ai-je fait injure? Quand ai-je fait du tort? Ou à toi? Ou à toi? La peste vous prenne tous. Sa grâce royale, que Dieu garde en meilleure santé que vous ne le souhaitez, ne peut guère respirer en paix un moment que vous ne l'importuniez de vos plaintes imbéciles. Frère de Gloucester, vous vous méprenez. Le roi, de sa propre inclination royale, et non à la demande de quiconque, songeant, peut-être, à votre haine intime, qui dans votre comportement extérieur se manifeste contre mes enfants, mes frères et moi-même, vous fait appeler pour en apprendre la raison. Je ne saurais dire, le monde est devenu si corrompu. Depuis que le moindre gueux devient gentilhomme, bien des gentilshommes sont traités comme des gueux. Allez, allez. Nous connaissons votre pensée, mon frère Gloucester. Vous jalousez mon élévation et celle de mes amis. Mon frère est emprisonné par vos intrigues. Moi-même en disgrâce et la noblesse tenue en dédain, tandis que de hautes promotions sont chaque jour accordées pour anoblir des gens qui, deux jours avant, valaient à peine une couronne. Je n'ai jamais excité sa majesté contre le duc de Clarence, mais fervente avocate, je n'ai cessé de plaider pour lui. Monseigneur, vous me faites outrageusement injure en m'impliquant à tort dans ces vils soupçons. Vous pouvez peut-être nier que vous n'avez pas été cause du récent emprisonnement de Lord Hastings. Elle le peut, Monseigneur. Elle le peut. Lord Rivers. Eh, qui ne le sait? Elle peut faire mieux, monsieur, que nier cela. Elle peut vous obtenir de plus hautes fonctions et puis nier l'aide de sa main et attribuer ses honneurs à votre grand mérite. Que ne peut-elle pas? Elle peut, oui. par la Vierge Marie. Ah, que peut-elle par la Vierge Marie ? Peut-elle par la Vierge Marie ? Se marier à un roi, jeune, célibataire, et de plus beau garçon. Assurément, votre grand-mère fit plus mauvaise alliance. J'ai trop longtemps souffert vos brusques remontrances et vos railleries amères. J'informerai Sa Majesté des sarcasmes grossiers que j'ai si souvent endurés. J'aimerais mieux être fille de ferme qu'une grande reine si mon sort est d'être ainsi harcelée, injuriée, outragée. Je trouve peu de joie à être la reine d'Angleterre. Quoi ? Vous me menacez de tout dire au roi ? Ce que j'ai dit, je le soutiendrai en présence du roi. J'ose risquer d'être envoyé à la tour ? Il est temps de parler. Mes bons offices sont tous oubliés. Tais-toi, démon. Avant que vous fussiez reine, oui. Avant que votre mari fût roi, j'étais la bête de somme de ses grands projets, déracinant ses fiers adversaires, récompensant libéralement ses amis. Pour royaliser son sang, j'ai dépensé le mien. Un sang bien meilleur que le sien ou le tien. Pendant ce temps-là, vous et votre mari conspiriez pour la maison de Lancastre. Et Rivers, vous aussi. Votre mari ne fut-il pas tué dans l'armée de Marguerite à Saint-Alban ? Laissez-moi vous remettre à l'esprit, puisque vous l'oubliez, ce qu'alors vous étiez et ce que vous êtes. Ce que j'étais alors et ce que je suis. Un abject assassin, et tu l'es toujours. Le malheureux Clarence abandonna son père Warwick, oui, et se parjura que Jésus lui pardonne, afin de combattre aux côtés d'Édouard pour la couronne. Et pour tout salaire, le voilà en prison. Dieu, je voudrais que mon cœur fût de silex comme celui d'Édouard, ou que le cœur d'Édouard fût tendre et pitoyable comme le mien. Je suis trop enfant, trop innocent pour ce monde. Fuis de honte en enfer et quitte ce monde, Cacodémon, là-bas est ton royaume. En ces temps troublés que vous invoquez pour nous déclarer ennemis, nous suivions notre seigneur, notre roi souverain. Et nous vous suivrions de même si vous étiez notre roi. Si je l'étais, plutôt être un mendiant. Loin de mon cœur cette pensée. Puisque vous supposez que vous connaîtriez peu de joie à être de ce pays, vous pouvez supposer que j'en connais tout aussi peu, moi qui en suis reine. Écoutez-moi, pillard, querelleur qui vous déchirez pour le partage de ce que vous m'avez pillé. Lequel d'entre vous ne tremble pas en me voyant ? Hideuse sorcière ridée, que viens-tu faire devant mes yeux ? N'as-tu pas été bannie sous peine de mort ? Je trouve plus de peine dans le bannissement que la mort ne peut m'en donner si je reste. Tu me dois un mari et un fils. Et toi, un royaume. Et vous tous, allégeance. Ce chagrin que j'éprouve vous est dû. Et tous les plaisirs que vous usurpez me sont dus. La malédiction que mon noble père lança sur toi lorsque tu couronnas de papier son front guerrier. Et par tes sarcasmes fit couler de ses yeux des torrents, et que pour les sécher, tu lui donnas un chiffon trempé du sang de son fils, mon frère, le tendre Rutland. Ces malédictions qu'alors, dans l'amertume de son âme, il proféra, les voilà toutes retombées sur toi. C'est par Dieu, non par nous, que fut châtié ton acte sanguinaire. Dieu est juste et venge l'innocent. Égorger cet enfant fut l'acte le plus noir, le plus impitoyable qu'on ait jamais connu. Les tyrans même pleuraient quand il fut raconté. Pas un homme qui n'en prophétisa le châtiment. Northumberland, alors présent, pleurait de voir cela. Quoi ? Vous étiez tous à vous montrer les dents avant mon arrivée. prêts à vous empoigner l'un l'autre à la gorge. Et maintenant, vous tournez tous votre haine contre moi. La terrible malédiction d'York a-t-elle tant prévalu auprès du ciel que la mort d'Henri, la mort de mon gracieux Édouard, la perte de leur royaume, mon triste bannissement. Oui, que tout cela rachète à peine ce stupide marmot. Les malédictions peuvent-elles percer les nuages et pénétrer le ciel? Alors, nuages inertes, livrez le passage à mes malédictions fulgurantes, qu'à défaut de la guerre, votre roi périsse par la débauche, comme le nôtre a péri pour le meurtre, pour qu'il soit roi, que ton fils Édouard, aujourd'hui prince de Galles, meure dans sa jeunesse, par la même violence prématurée, toi-même qui règne, pour moi qui fus reine. Survie à ta gloire, misérable comme moi, puisses-tu vivre longtemps pour pleurer la mort de tes enfants et voir une autre comme je te vois aujourd'hui, revêtue de tes droits comme tu te pars des miens, que tes jours heureux meurent longtemps avant ta mort et après de longues heures de détresse, meurs, n'étant plus ni mère, ni épouse, ni reine d'Angleterre. Rivers, tu étais présent. Et toi aussi, Lord Hastings, quand mon fils, Coquin, fut poignardé par leur dague sanglante, je prie Dieu qu'aucun de vous ne vive à son âge naturel, mais que tout soit fauché par quelque brusque accident. Cesse tes conjurations, haineuse sorcière flétrie. Tu crois que je vais t'épargner? Reste, chien, car tu vas m'entendre. Si le ciel tient en réserve un fléau terrible qui surpasse ceux que je peux te souhaiter, oh, qu'il le garde jusqu'à ce que tes péchés soient mûrs, et qu'alors il précipite son indignation sur toi, qui trouble la paix de ce pauvre monde. Que le ver de la conscience ronge toujours ton âme. Tant que tu vivras, soupçonne tes amis d'être des traîtres et prends les pires traits pour tes plus chers amis. Que jamais le sommeil ne ferme cet œil assassin, à moins qu'un rêve torturant ne t'épouvante d'un enfer d'affreux démons. Créature des goules, avorton, porfouisseur, toi, flétrissure des entrailles de ta mère affligée, toi, rejeton exécré des reins de ton père, toi, guenille de l'honneur, toi, détesté. Marguerite. Richard, okay. Je ne t'appelle pas. Ah, je te demande pardon car j'ai bien cru que tu m'avais appelé de tous ces noms fielleux. Oui, mais je n'attendais pas de réponse. Oh, laisse-moi conclure ma malédiction. C'est ce que j'ai fait, elle se termine par Marguerite. Ainsi vous avez exhalé votre malédiction contre vous-même. Saute ! Mais... saute! Tu aiguises le couteau qui te tuera. Un jour viendra où tu souhaiteras que je sois là pour t'aider à maudire ce venimeux crapaud bossu. Fausse prophétesse, achève tes malédictions frénétiques de peur que pour ton malheur, tu n'excites notre patience contre toi. Honte infâme sur vous, vous avez bien excité la mienne. Ne disputez pas avec elle, elle est folle. Silence! Silence ! Par pudeur, sinon par charité. Buckingham. Que le succès t'accompagne. Toi et ta noble maison. Tes vêtements ne sont pas tachés de notre sang. Et tu n'es pas sous l'emprise de ma malédiction. Ni personne ici. Car les malédictions ne passent jamais les lèvres de ceux qui les exhalent dans l'air. Buckingham, prends garde à ce chien-là. S'il flatte, c'est pour mordre, et quand il mord, sa dent venimeuse infecte mortellement. Que dit-elle, Buckingham ? Rien dont je me soucie. Tu méprises mes bienveillants conseils et flattes le diable contre qui je t'avertis. Oh ! Rappelle-toi ceci le jour où il brisera ton cœur de chagrin. Alors, tu diras que la pauvre Marguerite était une prophétesse. Vivez chacun de vous pour être les sujets de sa haine et lui de la vôtre. Et tous, celle de Dieu. Mes cheveux se dressent d'entendre ces malédictions. Les miens aussi, je m'étonne qu'elle soit en liberté. Je ne peux la blâmer. Par la Sainte Mère de Dieu, elle a souffert trop de tort et pour ma part, je me repens de ce que je lui ai fait. Je ne lui ai jamais fait de mal, que je sache. Pourtant, de ce mal, vous avez tout le profit. Madame, Sa Majesté vous demande, ainsi que votre grâce et vous, mon gracieux Seigneur. Catesby, je viens. Seigneur, vous venez avec moi ? Nous suivons votre grâce. Je fais le mal et suis le premier à brailler. Clarence, que j'ai moi-même mise à l'ombre, je le pleure devant ces innocentes bécasses ayant nom Hastings et Buckingham. Et je leur dis que c'est la reine et ses alliés qui excitent le roi contre le duc, mon frère. J'habille ma scélératesse nue de vieille guenille dépareillée volée au livre sacré, et j'ai l'air d'un saint au moment même où je joue le plus le diable. Mais doucement. Voici venir mes exécuteurs. Alors ? Mes braves gars ? Robustes et résolus ? Oui, monseigneur. Nous venons chercher le laissez-passer pour être introduit auprès de lui. Bien avisé. Je l'ai ici. Messieurs, soyez vifs dans l'exécution. Clarence est beau parleur et peut-être pourra susciter la pitié dans vos cœurs si vous lui prêtez l'oreille attentivement. Bah, monseigneur, nous n'allons pas nous attarder en bavardage. Les parleurs ne sont pas des hommes d'action. Soyez assurés que nous allons employer nos mains, pas nos langues. Je vous aime, les gars. Allez, vite, à l'ouvrage. Allez, allez, dépêchez. Entendu, noble seigneur. J'ai passé une nuit misérable, si pleine de rêves effroyables, de hideuses visions. Je ne voudrais pas dépenser une autre nuit semblable, même pour acheter un monde de rejour. Si pleine de lugubres terreurs furent ces heures. Quel était votre rêve ? Je vous en prie, dites-le-moi. Il me semblait que je m'étais échappé de la tour. Et ce, en compagnie de mon frère, Gloucester, qui qui m'invitait à quitter ma cabine pour arpenter le pont. De là, nous regardions vers l'Angleterre et évoquions mille moments douloureux que nous avions vécus pendant les guerres d'York et de Lancastre. Et comme nous marchions de long en large sur le plancher vertigineux du pont, il me sembla que Gloucester trébuchait et dans sa chute me poussait par-dessus bord, moi qui voulais le retenir dans les vagues tumultueuses de l'océan. Quelle souffrance c'était de se noyer. Quel terrible bruit d'eau dans mes oreilles. Quelles atroces visions de mort devant mes yeux. Il me semblait que je voyais mille effrayantes épaves. Mille hommes rongés par les poissons. Des lingots d'or, des ancres gigantesques, des monceaux de perles, d'inestimables pierres, des joyaux sans prix, tous épars au fond de l'océan. Il y en avait dans des crânes d'hommes morts et dans les trous où jadis habitaient les yeux s'étaient glissés d'étincelantes pierreries qui courtisaient le fond visqueux de l'abîme. Et narguait les ossements morts, éparpillés près d'eux. Vous ne vous êtes pas réveillé dans cette cruelle agonie ? Non. Mon rêve se poursuivit au-delà de la vie. C'est alors que commença la tempête pour mon âme. Je franchis, me sembla-t-il, le flot mélancolique en compagnie de ce sombre passeur dont parlent les poètes pour entrer au royaume de perpétuelle nuit. Là, le premier à saluer mon âme étrangère fut mon illustre beau-père, le renommé Warwick, qui parla à voix forte. Quel châtiment pour le parjure cette sombre monarchie peut-elle infliger au traître Clarence ? Puis il disparut, alors s'en vint une ombre errante, tel un ange aux cheveux clairs, poissé de sang. Et elle criait à voix forte, « Clarence est là ! Le traître, l'inconstant, le parjure Clarence, qui m'a poignardé sur le champ de Tewkesbury, saisissez-le, furie, livrez-le au supplice » Là-dessus, il me sembla qu'une légion de fétides démons m'environnait et hurlait à mes oreilles des cris si affreux qu'à ce seul bruit. Je me suis réveillé en tremblant et pour un long moment n'ai pu cesser de croire que j'étais en enfer. Si terrible me fut l'impression de mon rêve. Je tremble moi-même à vous l'entendre raconter. Geôlier, j'ai accompli ces actes pour l'amour d'Edouard et vois comme il me récompense. Julie, je t'en prie, reste près de moi un moment. Mon âme est lourde. Et je voudrais dormir. Y a-t-il quelqu'un ? Que veux-tu ? Comment es-tu venu ici ? Je veux parler à Clarence et je suis venu ici sur mes jambes. Montre-lui notre laissez-passer et plus un mot. Portez-vous bien. Eh bien, allons-nous le poignarder pendant qu'il dort ? Non. Il dira que ça a été fait lâchement quand il se réveillera. Mais il se réveillera jamais. Jusqu'au grand jour du jugement dernier. Mais alors il dira que nous l'avons poignardé dans son sommeil. La simple mention de ce mot, jugement, a engendré en moi une sorte de remords. Quoi ? Tu as peur ? Ah. Pas de le tuer, puisque j'ai un ordre, mais d'être damné pour l'avoir tué. Ce dont aucun ordre ne peut me préserver. Je croyais que tu étais résolu. Oui, je le suis. À le laisser vivre. Je vais aller retrouver Richard et lui dire ça. Ah non. Non, je t'en prie, arrête un peu. J'espère que cet accès de pitié va me passer. D'ordinaire, ça ne me tient que le temps de compter jusqu'à 20. Comment te sens-tu maintenant ? Il y a encore au moins un petit fond de conscience. Rappelle-toi notre récompense quand ce sera fait. Allez, il meurt. J'avais oublié la récompense. Où est ta conscience maintenant ? Oh, elle est dans la bourse du duc de Gloucester. Mais ici, elle te revient. Je veux pas avoir affaire à elle. Elle fait d'un homme un couard. Un homme ne peut voler qu'elle ne l'accuse. Un homme ne peut jurer qu'elle ne l'arrête. Un homme ne peut coucher avec la femme de son voisin qu'elle ne le dénonce. C'est un esprit honteux et rougissant qui se mutine dans le cœur des hommes. Elle est remplie d'obstacles. Elle m'a fait une fois rendre une bourse d'or que j'avais trouvée par hasard. Elle engueuse tout homme qui la garde. Elle est chassée des villes et des cités comme une chose dangereuse. Aussi, tout homme qui veut vivre bien tâche de ne se fier qu'à lui-même et de vivre sans elle. Et doucement, il se réveille. Frappe ! Qui es-tu ? Un homme, comme vous. Mais pas royal, comme je suis. Ni vous loyal, comme nous le sommes. Ta voix est un tonnerre, mais ton regard est humble. Ma voix, maintenant, est celle du roi. Pour mon regard, il est à moi. Il y a de la menace dans vos yeux. Pourquoi êtes-vous si pâle ? Qui vous a envoyé ? Dans quel but venez-vous ? Pour m'assassiner ? Oui. Vous avez à peine le cœur de me le dire, et donc vous n'aurez pas le cœur de le faire. Quoi ? Mes amis, vous ai-je offensé ? Offensé, nous non, mais le roi. Je me réconcilierai avec lui. Jamais, monseigneur. Ainsi préparez-vous à mourir. Est-ce qu'on vous a choisi parmi la multitude des hommes pour égorger l'innocent ? Quel est mon délit ? Quelle est la preuve qui m'accuse ? Quel jury légal a transmis son verdict au juge sourcilleux ? Ou qui a prononcé l'amère sentence de mort contre le pauvre Clarence avant que je sois reconnu coupable selon la loi ? Me menacer de mort est tout à fait illégal ! Je vous conjure, si vous espérez être racheté, de partir et de ne pas lever la main sur moi ! L'acte que vous entreprenez est damnable. Ce que nous voulons faire, nous le faisons sur ordre. Et celui qui l'a ordonné est notre roi. Si vous aimez mon frère, ne me haïssez pas. Je suis son frère et je l'aime. Si vous êtes payé pour ceci, retirez-vous. Et je vous enverrai à mon frère Richard qui vous rétribuera plus pour ma vie qu'Edouard ne le ferait pour l'annonce de ma mort. Vous trompez, votre frère Richard vous hait. Oh non, non ! Il m'aime ! Je lui suis cher. Allez, trouvez de ma part. Oui, nous irons. C'est lui qui nous envoie pour vous supprimer. Ça se peut pas ! Il a pleuré mon infortune. Ma chair est dans ses bras. Il a juré avec des sanglots qu'il travaillerait à ma délivrance. Eh bien, c'est ce qu'il fait quand il vous délivre des chaînes de cette terre pour vous conduire aux joies du ciel. Faites la paix avec Dieu, car vous devez mourir, monseigneur. Je vois quelque pitié dans ton regard. Oh, si ton œil ne trompe pas, range-toi de mon côté et supplie pour moi. Un prince qui mendie, quel mendiant n'en aurait pas pitié. Regardez derrière vous, monseigneur. Prends ça. Et ça. Et si ça ne suffit pas, je vais te noyer là-bas dans le tonneau de Malvoisie. Eh bien, à quoi penses-tu que tu ne m'aides pas? Par le ciel, le duc saura comme tu as été vol. Si seulement il savait que j'ai sauvé son frère. Toi, prends ta récompense et rapporte-lui ce que je te dis. Car je me repens du meurtre du duc. Moi non! Va! Lâche que tu es! Allons, je vais cacher le corps dans quelques trous jusqu'à ce que le duc donne l'ordre de l'enterrer. Et quand j'aurai mon salaire, je disparaîtrai. Ceci va s'ébruiter, je ne dois pas rester ici. Eh bien, voilà. Aujourd'hui, j'ai fait du bon travail. Vous, mes pères, maintenez ce pacte d'union. Tous les jours, j'attends une ambassade de mon Rédempteur qui me rachètera d'ici-bas. Et c'est davantage en paix que mon âme partira vers le ciel, puisque j'ai rétabli la paix entre mes amis, hein, sur la terre. Hastings, Rivers, tendez-vous la main, là. Ne dissimulez plus de haine et jurez-vous amitié. Par le ciel, mon âme est purgée de toute haine rancunière. Et de ma main, je scelle l'amour sincère de mon cœur. Que mon bonheur soit lié à ce même serment. Élisabeth, toi-même, tu n'es pas en dehors de tout cela. Ni toi, Buckingham. Vous avez été factieux l'un contre l'autre. Laisse-le te baiser la main et ce que vous faites, hein, faites-le sans arrière-pensée. Tiens, Hastings, plus jamais je ne me souviendrai de notre ancienne haine. Que mon bonheur et celui des miens soient liés à ce serment. Maintenant, Buckingham scelle ce pacte en embrassant les parents de ma femme et... Rends-moi heureux par votre union. Si jamais Buckingham tourne sa haine contre votre grâce, si d'un amour loyal il ne vous chérit pas, vous et les vôtres, que Dieu me punisse par la haine de ceux dont j'attends le plus d'amour. Que le jour où j'aurai le plus grand besoin d'employer un ami et où je serai le plus sûr de son amitié, il se montre envers moi fourbe, traître, trompeur et plein d'artifices. Voilà ce que je demande au ciel, lorsque je serai froid dans mon amour pour vous et les vôtres. Ton vœu, Buckingham, est un précieux cordial pour mon cœur malade. Il ne manque plus ici que notre frère, Richard, pour donner une heureuse conclusion à cette paix. Bonjour. À mon souverain roi et à ma reine. À vous aussi, prince, mes pères, je souhaite un heureux jour. Un heureux, en vérité. Ce jour que nous avons passé, Richard, nous avons fait œuvre de charité. Changer la guerre en paix, la haine en loyal amour entre ces pères arrogants et enflammés de griefs. Œuvre bénie, mon très souverain seigneur. Si, dans cette foule princière sur de fourbes rapports ou d'injustes soupçons, quelqu'un ici me tient pour ennemi, si j'ai, à mon insu ou dans ma colère, commis quelque offense dont souffre rudement quiconque ici présent, je désire me réconcilier avec lui et retrouver son amitié. Ce m'est une mort d'être en inimitié. Je hais cela. Je désire l'amour de tous les gens de bien. Désormais, ce jour sera célébré comme un jour de fête. Je supplie votre Altesse de rappeler en grâce notre frère Clarence. Quoi ? Madame, ai-je offert mon amitié pour cela ? Pour être ainsi bafoué en présence du roi ? Qui ne sait que le noble duc est mort ? Vous lui faites injure en insultant ainsi son cadavre ? Qui ne sait qu'il est mort ? Mais qui donc sait qu'il l'est ? Quel monde est-ce là ? Suis-je aussi pâle que les autres ? Oui, mon bon seigneur, et il n'est personne ici dont la rougeur n'ait quitté les joues. Clarence est-il mort ? L'ordre était révoqué ! Mais lui, pauvre homme, est mort en vertu de votre premier ordre, et celui-là, un mercure ailé, le portait. Un infirme traînard a porté le contre-ordre, qui est arrivé trop tard pour le voir enterré. Dieu veuille que certains moins nobles et moins loyaux, de pensées sanglantes mais d'un sang moins royal, ne méritent pas pire que le pauvre Clarence, même s'ils sont encore à l'abri du soupçon. Une faveur, mon souverain, pour mes services passés. T'en prie, paix. Mon âme est pleine d'affliction. Je ne me lèverai que si votre Altesse m'écoute. Dis vite ce que tu demandes. La grâce, mon souverain, d'un de mes serviteurs qui a tué aujourd'hui un gentilhomme turbulent de la suite du duc de Norfolk. Ai-je une langue pour condamner mon frère à mort ? Cette même langue pardonnerait un esclave ? Mon frère n'a tué personne. Sa faute n'était qu'en pensée, et pourtant, son châtiment fut une mort amère. Qui a plaidé pour lui ? Qui, dans mon courroux, s'est agenouillé à mes pieds et m'a prié de réfléchir ? Qui a parlé de fraternité ? Qui a parlé d'amour ? Qui m'a rappelé comment, pauvre âme, il a abandonné le puissant Warwick et s'est battu contre moi, pour moi ? Qui m'a rappelé que sur la plaine de Tewkesbury, lorsqu'Oxford m'avait terrassé, il m'a sauvé et il m'a dit « Cher frère, vis et sois roi !» Qui m'a rappelé quand nous gisions tous sur le champ de bataille, presque glacés à mort, comme il m'a enveloppé dans ses propres vêtements et s'est offert nu et dépouillé à la nuit, transi de froid ? Tout cela, un courroux brutal et coupable l'avait extirpé de mon souvenir et pas un d'entre vous n'a eu la charité de me le rappeler. Mais quand vos chartiers et vos vaisseaux de votre suite ont commis un meurtre d'ivrogne et défiguré la précieuse image de notre rédempteur bien-aimé, vous voilà aussitôt à genoux, implorant grâce, grâce. Et moi, injuste aussi, je dois vous l'accorder. Mais pour mon frère, pas un n'osa parler. Hein. Moi-même, Ingrat, je n'ai pas parlé à moi-même. Pour lui, pauvre âme, pas un d'entre vous une seule fois a intercédé pour sa vie. Hastings, aide-moi à regagner ma chambre. Édouard, mon seigneur, notre roi est mort. Pourquoi reste-t-il des branches quand la racine n'est plus? Pourquoi les feuilles ne se dessèchent-elles pas quand elles n'ont plus de sève? Si vous voulez vivre, lamentez-vous, et si c'est mourir, soyez bref. Que d'une aile rapide, nos âmes rattrapent celles du roi, ou comme des sujets obéissants le suivent dans son nouveau royaume d'immuable nuit. Ne me donnez aucun secours dans mes lamentations. Que toutes les sources dirigent leur courant vers mes yeux, afin que, gouvernée par l'humide lune, je verse d'abondantes larmes pour noyer le monde. Madame, pensez en mère vigilante au jeune prince, votre fils. Envoyez-le vite chercher. Faites-le couronner. Votre réconfort vit en lui. Noyez un chagrin sans espoir dans la tombe d'Édouard mort. Plantez vos joies sur le trône d'Édouard vivant. Courage, ma sœur. Nous avons tous sujet de pleurer l'obscurcissement de notre brillante étoile. Mais nul ne peut guérir ses maux par des larmes. Madame ma mère, je vous demande pardon, je n'avais pas vu votre grâce. Humblement à genoux, j'implore votre bénédiction. Que Dieu te bénisse et mette dans ton cœur la mansuétude, l'amour, la charité, l'obéissance et le respect sincère. Amen. Et me fasse mourir bon vieil homme, c'est toujours l'épilogue des bénédictions d'une mère, je m'étonne que sa grâce ait laissé cela de côté. Vous, prince nuageux et pères au cœur dolent, qui portez en commun ce lourd fardeau de deuil, puisez un mutuel réconfort dans un mutuel amour. Si nous avons dépensé la moisson de ce roi, il nous reste à récolter la moisson de son fils. La fracture purulente des haines qui enflaient vos cœurs n'étant que depuis peu remise, nouée et recousu, doit être préservé. Chéri, maintenu avec soin. Il me semble bon qu'une petite escorte aille sans délai à Ludlow chercher le jeune prince et le conduise ici à Londres pour y être couronné roi. Pourquoi une petite escorte, monseigneur de Buckingham? De peur qu'avec une escorte nombreuse, la plaie à peine cicatrisée de la rancune ne vienne à se rouvrir, ce qui serait d'autant plus dangereux que l'État est frêle et sans gouvernement. J'espère que le roi a fait la paix entre nous tous. Pour moi, le pacte est ferme et sincère. Pour moi aussi. Et pour tous, je pense. Aussi dis-je avec le noble Buckingham qu'il est bon qu'un petit nombre aille chercher le prince. Je le dis aussi. Alors qu'il en soit ainsi. Allons déterminer quels sont ceux qui doivent courir à Ludlow. Monseigneur, quels que soient ceux qui feront route vers le prince, ne restons pas ici tous deux, car en chemin, je trouverai l'occasion, en prologue à l'intrigue dont nous avons parlé, de séparer du prince l'orgueilleuse parenté de la reine. Mon autre moi-même, mon conseil d'État, mon oracle, mon prophète. Mon cher cousin, comme un enfant, je me laisse guider par toi. À Ludlow donc, car nous ne resterons pas derrière. Qu'il me coûte de vous rapporter. Comment va le prince ? Bien, madame, il est en bonne santé. Quelle est ta nouvelle ? Lord Rivers et Lord Grey sont envoyés en prison à Pomfrey. Qui les a écroués ? Les puissants ducs Gloucester et Buckingham. Pour quel crime ? La somme de tout ce que je sais, je l'ai révélé. Pourquoi ou dans quel but ces nobles ont été écroués, je l'ignore totalement. Malheur à moi. Je vois la ruine de ma maison. Le tigre a maintenant saisi la douce biche. La rogue tyrannie commence à surplomber le trône innocent qui n'inspire plus de crainte. Vienne la destruction. Le sang. Le massacre. Je vois, comme sur une carte, la fin de toute chose. Bienvenue, tendre prince, à Londres, votre capitale. Bienvenue, cher neveu, souverain de mes pensées. La fatigue de la route vous a rendu mélancolique? Non, mon oncle. Mais Les contrariétés survenues en chemin l'ont rendu fastidieux, pénible et lourd. Je voudrais ici plus d'oncles pour me souhaiter la bienvenue. Tendre prince, la vertu sans tache de vos années n'a pas encore plongé dans la duplicité du monde. Ces oncles qui vous manquent étaient dangereux. Votre grâce écoutait leurs mots sucrés, mais ne prenait pas garde au poison de leur cœur. Dieu vous garde d'eux et d'aussi faux amis. Dieu me garde des faux amis, mais eux ne l'étaient pas. Je pensais que ma mère et mon frère York seraient depuis longtemps venus à notre rencontre sur la route. La reine, votre mère, et votre frère York ont gagné un sanctuaire. Le jeune prince serait volontiers venu avec moi au-devant de votre grâce, mais sa mère l'a retenu de force. Quelle conduite oblique et opiniâtre que la sienne! Catesby, veux-tu persuader la reine d'envoyer le duc d'York auprès de son frère princier, sans délai? Si elle refuse, seigneur Hastings, allez avec lui et arrachez-le de force à ses bras jaloux. Seigneur de Buckingham, si ma faible éloquence peut sur sa mère conquérir le duc d'York, attendons-le ici dans un moment. Mais si elle est inexorable aux douces supplications, Dieu nous préserve d'enfreindre le saint privilège du sanctuaire béni. Pour tout le royaume, je ne voudrais pas être coupable d'un péché si grave. Vous êtes trop déraisonnablement obstiné, monseigneur. Trop attaché au rite et à la tradition. Pesez la chose avec la dureté des temps. Vous ne violez pas le sanctuaire en vous emparant de lui. Le droit d'asile est toujours accordé à ceux qui, par leurs actes, l'ont mérité et à ceux qui ont l'esprit de le réclamer. Le prince ne l'a ni réclamé, ni mérité. Aussi, à mon avis, il ne peut en bénéficier. Donc, en l'enlevant à une retraite qui pour lui n'est pas telle, vous ne violez ni privilège, ni charte. Souvent, j'ai entendu parler de sanctuaires pour les hommes, mais de sanctuaires pour des enfants. Jamais. Monseigneur, pour une fois, votre opinion prévaudra sur la mienne. Allons, Lord Hastings, vous venez avec moi? Je viens, monseigneur. Mais bon seigneur, hâtez-vous, tant que vous pourrez. Dites, oncle Gloucester, si notre frère vient, où ferons-nous séjour jusqu'à notre couronnement? Où il semblera bon à votre royale personne. Si je peux vous conseiller, un jour ou deux, votre Altesse ira se reposer à la tour. Ensuite, dans le lieu qui vous plaira et qui sera jugé le plus favorable à votre santé et votre récréation. Je n'aime pas du tout la tour. Est-ce bien Jules César qui a bâti cet endroit, monseigneur? Il a, mon gracieux seigneur, commencé cet endroit que depuis les âges successifs ont reconstruit. Est-ce relaté dans les archives ou seulement rapporté successivement d'âge en âge qu'il l'a bâti? C'est dans les archives, mon gracieux seigneur. Mais à supposer, monseigneur, que ce ne fut pas consigné par écrit, il me semble que la vérité devrait vivre d'âge en âge, transmise à chaque génération, jusqu'au jour où toute chose prend fin. Si jeune et si sage, dit-on, ne vit jamais longtemps. Que dites-vous, mon oncle? Je dis que même sans registre, la gloire vit longtemps. C'est ainsi comme iniquité le vice des moralités. J'interprète deux sens en un mot. Ce Jules César était un glorieux homme. Ce dont sa bravoure a enrichi son esprit l'a consigné pour faire vivre sa bravoure. Oh, la mort n'a pas conquis ce conquérant. Car maintenant, il vit dans la gloire, sinon dans la vie. Je vais vous dire une chose, mon cousin Buckingham. Laquelle, mon gracieux seigneur? Si je vis assez pour être un homme, je veux rétablir nos anciens droits en France. Ou mourir en soldat, ayant vécu en roi. À court été, printemps précoce. À point nommé, voici venir le duc d'York. Richard York! Comment se porte notre noble frère? Bien, mon cher seigneur. C'est ainsi que je dois vous appeler désormais? Oui, frère. Pour notre peine comme pour la vôtre. Trop récente est la mort de celui qui aurait pu garder ce titre, qui par sa mort a perdu beaucoup de sa majesté. Comment se porte notre neveu, le noble seigneur d'York. Je vous remercie, gentil oncle. Ô monseigneur, vous disiez que les mauvaises herbes poussent vite. Le prince, mon frère, a poussé plus que moi. En effet, monseigneur. Et donc, il est mauvais ? Oh, mon beau neveu, je ne dirais pas cela. Mais il vous est plus redevable que moi. Il peut me commander comme mon souverain. Mais vous, vous avez sur moi le pouvoir d'un parent. Je vous en prie, oncle. Donnez-moi cette dague. Ma dague, petit neveu, de tout mon cœur. Vous mendiez, frère ? Oui, auprès de mon bon oncle. Qui me la donnera, je le sais, car ce n'est qu'une babiole. Ça ne coûte guère à donner. Je donnerai à mon neveu un plus beau cadeau. Un plus beau cadeau, oh, c'est l'épée qui va avec. Volontiers, gentil neveu, si elle est assez légère. Je vois. Vous ne vous séparez que de cadeaux légers. Pour les choses de poids, vous dites non aux mendiants. Elle est trop lourde pour votre grâce. Serait-elle plus lourde ? À mes yeux, elle pèse peu. Quoi ? Vous voulez avoir mon arme, petit lord ? Oui, pour vous remercier comme vous m'appelez. Comment ? Petitement. Monseigneur d'York est toujours taquin en parole. Oncle, votre grâce sait comment le supporter. Vous voulez dire me porter, pas me supporter. Oncle, mon frère se moque de vous et de moi, parce que je suis petit comme un singe. Il pense que vous devriez me porter dans vos bras. Monseigneur, vous plaira-t-il de vous remettre en route ? Moi-même et mon bon cousin Buckingham irons trouver votre mère pour la supplier de vous accueillir à la tour et vous y souhaiter la bienvenue. Quoi ? Vous allez à la tour, monseigneur ? Monseigneur, le protecteur le veut absolument. Je ne dormirai pas tranquille à la tour. Pourquoi ? Que pourriez-vous craindre ? Parbleu, le fantôme irrité de mon oncle Clarence. Ma grand-mère m'a dit que c'est là qu'il fut assassiné. Je ne crains pas les oncles morts. Ni ceux qui vivent, j'espère. S'ils vivent, j'espère que je n'ai rien à craindre d'eux. Mais venez, monseigneur. C'est d'un cœur lourd et en pensant à eux que je me rends à la tour. Ce petit babillard d'York a été excité par sa perfide mère. À vous railler, à vous bafouer aussi injurieusement. Nul doute. Nul doute. C'est un garçon dangereux, hardi, vif, ingénieux, précoce, capable, tout le portrait de sa mère de la tête aux pieds. Bon, Catesby, va sonder Lord Hastings sur ses dispositions envers notre projet d'installer ce noble duc sur le trône royal de cette île glorieuse. Et convoque-le demain à la tour pour délibérer au sujet du couronnement. Si tu le trouves favorable à nos vues, encourage-le et dis-lui nos raisons. S'il est de plomb, glacé, froid, réticent, sois de même et brise l'entretien. Et instruis-nous de ses inclinations, car demain, nous tenons deux conseils séparés où tu seras toi-même employé hautement. Hé, dis-lui, Catesby, que ses dangereux adversaires, Rivers et Grey, seront saignés demain au château de Pomfrey. Aurons-nous de vos nouvelles, Catesby, avant de nous coucher ? Oui, monseigneur. Qu'allons-nous faire si nous nous apercevons que Lord Hastings ne se prête pas à nos complots ? Lui trancher la tête. Nous trouverons bien quelque chose. Et quand je serai roi, prends soin de me réclamer le comté de Hereford avec tous les biens meubles que mon frère, le roi, possédait. Je réclamerai cette promesse à votre grâce. Et veille à l'avoir exécutée de tout cœur. Allez, viens, allons souper de bonne heure pour pouvoir digérer nos complots après. Monseigneur ? Monseigneur ? Qui frappe ? C'est de la part de Lord Stanley. Quelle heure est-il ? Sur le coup de 4 heures. Monseigneur Stanley ne peut-il pas dormir pendant ces longues nuits ? Il assure votre seigneurie que cette nuit, il a rêvé que le sanglier lui arrachait son casque. En outre, il dit qu'on va tenir deux conseils et que ce qui va être décidé dans l'un peut vous faire regretter, vous et lui, d'être dans l'autre. Va, l'ami, va, retourne auprès de ton maître. Dis-lui que ses craintes sont vaines, sans fondement. Quant à ses rêves, je m'étonne qu'il soit assez candide pour croire les simulacres d'un sommeil troublé. Fuir le sanglier, avant que le sanglier nous poursuive, serait exciter le sanglier à nous traquer et à nous courser quand il ne songeait pas à nous donner la chasse. Va, dis à ton maître de se lever et de venir me trouver. Et nous irons tous deux ensemble à la tour. J'y vais, monseigneur, et je lui rapporterai vos paroles. mille bonjours à mon noble seigneur. Bonjour Gatsby, vous êtes sur pied de bonheur. Quoi de neuf? Quoi de neuf dans notre état qui titube? En vérité, c'est un monde bien chancelant, monseigneur. Et je crois qu'il ne tiendra jamais droit tant que Richard ne portera pas la guirlande du royaume. Comment ça, la guirlande? Tu veux dire la couronne? Oui, mon bon seigneur. Mais peux-tu soupçonner qu'il y aspire? Oui, sur ma vie. Et il espère vous trouver empressé à être de son parti pour lui permettre de la conquérir. Sur ce, il vous envoie cette bonne nouvelle. Aujourd'hui même, vos ennemis, les parents de la reine, doivent mourir à Pomfrey. En vérité, je ne pleurerai pas cette nouvelle. Ils ont toujours été mes adversaires. Mais que je donne ma voix à Richard, pour écarter les héritiers de mon maître de leur succession légitime, je m'y refuserai jusqu'à la mort. Dieu garde votre seigneurie dans ses 12 dispositions. Mais je rirai encore dans 12 mois de ceci. Voilà que ceux qui m'ont attiré la haine de leur maître, je vis pour contempler leur tragédie. Tiens, Catesby, avant d'avoir vieilli de 15 jours, je vais en expédier certains qui n'y songent guère. C'est une chose atroce de mourir, mon gracieux seigneur, quand on n'y est pas préparé, qu'on ne s'y attend pas. Non, monstrueuse, monstrueuse. Et c'est ce qui arrive à Rivers. Et c'est ce qui va arriver à d'autres qui se croient en sûreté. Autant que toi et moi, qui, tu le sais, sommes chers au prince Richard et à Buckingham. Ces princes vous placent très haut dans leur estime. Si haut qu'ils voient déjà sa tête fichée sur le pont. Laisse-moi te dire ceci. Aujourd'hui, tu vas voir mourir un sujet pour sa fidélité, son dévouement et sa loyauté. Maintenant, la malédiction de Marguerite est retombée sur nos têtes. Celle qu'elle proféra contre Hastings, vous et moi, pour être resté immobile quand Richard poignarda son fils. Elle a maudit Richard. Elle a maudit Buckingham. Elle a maudit Hastings. Souviens-toi, Dieu, d'exaucer sa prière contre eux comme tu l'exauces à présent contre nous. Hâtez-vous, l'heure de votre mort est passée. Eh bien, Gray. Viens. Adieu. Jusqu'à nos retrouvailles au ciel. Donne-les! Aujourd'hui, l'objet de notre assemblée est de décider du couronnement. Quel sera le jour royal? Tout est-il prêt pour la cérémonie royale? Oui, oui, il ne reste plus qu'à fixer la date. Demain serait, je pense, un heureux jour. Qui connaît la pensée du Lord Protecteur sur ce point? Qui est le plus intime avec le noble duc? Votre grâce, il nous semble, doit mieux que tout autre connaître sa pensée. Nous connaissons l'un l'autre nos visages. Quant à nos cœurs, il ne connaît pas plus le mien que moi le vôtre. Et je ne connais pas plus le sien, monseigneur, que vous le mien. Lord Hastings, vous et lui êtes proches amis. Je remercie sa grâce, je sais qu'il m'aime bien. Mais pour ses intentions quant au couronnement, je ne l'ai pas sondé. Et il ne m'a pas révélé en aucune manière son bon plaisir sur ce point. Mais vous-même pouvez fixer la date. Et au nom du duc, je donnerai ma voix. Je présume qu'il ne le prendra pas en mauvaise part. Bonjour à tous. J'ai dormi longtemps. J'espère que mon absence n'a fait suspendre aucune grande décision qui aurait pu être prise en ma présence. Si vous n'étiez pas venu à temps donner votre réplique, monseigneur, Lord William Hastings aurait récité votre rôle. Je veux dire, donner votre voix pour le couronnement du roi. Nul ne peut être plus hardi que Lord Hastings. Sa seigneurie me connaît bien et m'aime bien. Monseigneur Delhi, j'ai vu de belles fraises dans votre jardin. Je vous en supplie, envoyez-en chercher quelques-unes. Parbleu, oui, Monseigneur, de tout mon cœur. Buckingham, un mot. Catesby a sondé Hastings sur notre affaire et trouve notre ombrageux gentilhomme si bouillant qu'il veut perdre sa tête plutôt que de consentir à ce que l'enfant de son maître, comme il l'appelle respectueusement, perde ses droits royaux au trône d'Angleterre. Oui, Monseigneur de Gloucester. J'ai envoyé chercher ses fraises. Dites-moi ce qu'il mérite. Ceux qui conspirent ma mort par les intrigues diaboliques d'une sorcellerie damnée et qui ont soumis mon corps à leurs charmes infernaux. Le tendre amour que je porte à votre grâce me rend le plus prompt dans cette noble assemblée à condamner les criminels, quels qu'ils soient. Je dis, Monseigneur, qu'ils ont mérité la mort. Alors, que vos yeux soient témoins du mal qu'ils m'ont fait. Voyez. Voyez. Comme je suis ensorcelé. Regardez. Mon bras est flétri et desséché comme un rameau. Et c'est la femme d'Edouard. Cette monstrueuse sorcière qui m'a ainsi marqué de ses sortilèges. Si elle a fait cela, mon nom... Si ! C'est toi le protecteur de cette satanée garce qui me parle de si ? Tu es un traître ! Monseigneur, une fraise ? Qu'on lui tranche la tête ! Je jure que je ne dînerai pas avant d'avoir vu sa tête tranchée ! Faites en sorte que ce soit fait. Qui même se lève et me suive. Pitié pour l'Angleterre, mais aucunement pour moi. Car moi, trop bête, j'aurais pu prévenir cela. Stanley a rêvé que le sanglier lui arrachait son casque, et j'ai méprisé cela et dédaigné de fuir. Trois fois, aujourd'hui, mon cheval carapassonné a bronché et s'est cabré en voyant la tour, comme s'il répugnait à me porter à l'abattoir. Oh, oh. C'est maintenant que j'ai besoin du prêtre qui me parlait tout à l'heure. Maintenant, je me repens d'avoir dit aux poursuivants d'armes d'un ton si triomphant que mes ennemis, aujourd'hui à Pomfret, étaient sanguinairement massacrés et que moi, j'étais sûr d'être en grâce et en faveur. Oh Marguerite, Marguerite! Maintenant, ta lourde malédiction s'est abattue sur la tête misérable du pauvre Hastings. Allons, allons, dépêchez. Le duc voudrait dîner. Faites une brève confession, il lui tarde de voir votre tête. Oh. Fugitive grâce des hommes mortels que nous recherchons plus que la grâce de Dieu. Qui bâtit son espoir sur le vide de votre belle apparence, vit comme un marin ivre en haut d'un mât. Prêt à chaque roulis à culbuter dans les fatales viscères des profondeurs. Allons, allons, ça sert à rien de se plaindre. Ô sanguinaire Richard, malheureuse Angleterre, je te prédis les temps les plus terribles qu'une misérable époque ait jamais contemplée. Allez, conduisez-moi au billot, portez-lui ma tête. Certains sourient de moi, qui bientôt seront morts. Voyons, cousin. Sais-tu frissonner et changer de couleur? Étouffer un souffle au milieu d'un mot et puis le reprendre et t'arrêter encore comme si tu étais égaré et fou de terreur? Bah, je sais contrefaire le grave tragédien, déclamer, regarder en arrière, épier de tous côtés, trembler et tressaillir au frémissement d'une paille simulant un profond soupçon. Air lugubre et sourire forcé sont à mon service. Prêts tous deux à faire leur office, à tout moment pour embellir mes stratagèmes. Écoutez, un tambour! Retourne-toi à la défenseur des ennemis! Alors? Alors? Que disent les citoyens? Alors, les citoyens sont muets, ne disent pas un mot. Mais vous avez touché la bâtardise des enfants d'Édouard. Oui, ainsi que sa propre bâtardise. Là-dessus, j'ai allégué vos traits à vous, l'exacte image de votre père, tant par la forme que par la noblesse d'esprit. J'ai évoqué toutes vos victoires en Écosse. Votre discipline à la guerre, votre sagesse dans la paix, votre munificence, votre vertu, votre douce humilité. Et quand mon oraison a tiré à sa fin, j'ai demandé à ceux qui aimaient le bien de leur pays de crier « Dieu sauve Richard, noble roi d'Angleterre !» Et ils l'ont fait. Non. Dieu m'assiste, ils n'ont pas dit un mot. Quand je vis cela, je leur en fis reproche et demandai au maire ce que signifiait ce silence obstiné. Sa réponse fut que le peuple n'avait pas l'habitude d'être harangué par d'autres que par le secrétaire. Quoi? Des bûches sans langue? Il refusait de parler? Alors le maire et ses adjoints ne vont pas venir? Le maire est là, tout prêt. Ne vous laissez entretenir qu'après de puissantes supplications. Et ayez soin d'avoir un livre de prière à la main et ne vous laissez pas facilement gagner à nos requêtes. Jouez la vierge. Répondez toujours non et acceptez. J'y vais. Allez, le lord de maire frappe à la porte. Bienvenue, monseigneur. Je fais le pied de grue ici. Je crois que le duc ne veut pas qu'on lui parle. Eh bien, Catesby, que répond ce seigneur à ma requête? Il est à l'intérieur avec deux révérends pères, saintement adonnés à la méditation, et souhaite qu'aucune requête mondaine ne l'arrache de ce pieux exercice. Retournez, bon Catesby, auprès du gracieux duc. Dites-lui que, sur une affaire de grande conséquence, nous sommes venus conférer avec sa grâce. Je vais lui signifier cela sur le champ. Monseigneur, heureuse serait l'Angleterre si ce vertueux prince lui accordait la grâce d'être son souverain. Mais je crains fort que nous n'obtenions pas cela de lui. Ah, Dieu ne plaise que sa grâce nous dise non. Je le crains. Voici Catesby qui revient. Eh bien, Catesby, que dit sa grâce? Il se demande à quelle fin vous avez rassemblé cette troupe de citoyens pour venir le trouver. Il craint, monseigneur, que vous ne lui vouliez rien de bon. Par le ciel! Nous venons à lui animés d'imparfait amour. Retournez donc une fois de plus auprès de sa grâce pour lui dire cela. Voyez sa grâce, là, entre deux clercs. Et voyez, il tient un livre de prière à la main. Très gracieux prince, prête une oreille favorable à nos requêtes. Monseigneur, quel est le bon plaisir de votre grâce? Cela même, j'espère qu'il plaît à Dieu là-haut. Et à tous les hommes de bien de cette île ingouvernée. Je soupçonne que j'ai commis quelque offense qui semble déplaire à la cité et que vous venez me reprocher mon erreur. En effet, monseigneur. Sachez donc que votre faute est d'abandonner le siège suprême, le trône majestueux, la gloire héréditaire de votre royale maison à la corruption d'une souche flétrie. C'est pour la sauver que du fond du cœur nous sollicitons votre gracieuse personne de prendre la charge et le gouvernement royal de ce pays, le vôtre. L'arbre royal vous a laissé un fruit royal, qui mûri par les heures maraudeuses du temps sera digne du siège de majesté et nous rendra sans aucun doute heureux par son règne. Le droit et la fortune de son heureuse étoile, Dieu me préserve de les lui extorquer. Prenez pour votre royale personne le bénéfice de la dignité qui vous est offerte. Sinon, pour nous donner et donnez au pays cette bénédiction, du moins pour soustraire votre noble lignée à la corruption de temps avilissant et la ramener dans la voie de la succession véritable. Faites-le, mon bon seigneur. Vos citoyens vous en supplient. Ne refusez pas, puissant seigneur, cet amour qui vous est offert. Oh, rendez-les joyeux. Accordez-leur leur légitime requête. Pourquoi voulez-vous amonceler ce souci sur moi ? Je vous en supplie, ne le prenez pas mal. Je ne peux, ni ne veux vous céder. Eh bien, sachez-le. Que vous acceptiez ou non notre requête, le fils de votre frère ne sera jamais notre roi. Nous planterons quelque autre sur le trône pour la disgrâce et la ruine de votre maison. Et dans cette résolution, nous vous quittons. Venez. Mais rappelez-le, cher prince, acceptez leur requête. Si vous refusez, tout le pays en souffrira. Bon, rappelez-les ! Je ne suis pas de pierre et me laisse pénétrer par vos tendres prières. Bien que ce soit contre ma conscience et mon âme. Dieu bénisse votre grâce. Je vous salue donc de ce titre royal. Longue vie à Richard, digne roi d'Angleterre. Amen. Amen. Dieu accorde à votre grâce une heureuse et joyeuse journée. À vous de même, chère sœur. Où allez-vous ? Pas plus loin que la tour. Et je le devine dans le même but fervent que vous pour y congratuler les gentils princes. Chère sœur, merci. Nous entrerons ensemble. Et voici à point nommé le gouverneur. Monsieur le gouverneur, de grâce, avec votre permission, comment vont le prince et mon jeune fils d'York ? Très bien, chère madame, mais pardonnez-moi, je ne puis vous permettre de leur rendre visite. Le roi l'a strictement défendu. Le roi ? Qui donc ? Je veux dire le Lord Protecteur. Le Seigneur le protège de ce titre royal ? A-t-il dressé des barrières entre leur amour et moi ? Je suis leur mère ! Qui me séparera d'eux ? Je suis leur tante par alliance. Leur mère, par amour, conduis-moi auprès d'eux. Je prends ton blâme sur moi et te relève de ton office à mes risques et périls. Non, madame, non. Je ne puis l'abandonner ainsi. Je suis lié par serment. Aussi, pardonnez-moi. Madame, madame, venez. Vous devez sur le champ vous rendre à Westminster pour y être couronnée reine, comme épouse de Richard. Trancher le lacet de mon corsage que mon cœur a oppressé et la place de battre, sans quoi je vais m'évanouir sous le coup de cette nouvelle meurtrière. Message cruel. Ô détestable nouvelle. Venez, madame. Venez, on m'a envoyé en toute hâte. Et moi, je partirai en toute répugnance. Ô Dieu, je voudrais que le cercle d'or qui doit enserrer mon front soit un fer rouge pour me brûler la cervelle. Lorsque j'ai regardé Richard, son visage, tel fut mon souhait. Sois maudit d'avoir fait de moi si jeune une si vieille veuve. Quand tu te marieras, que l'affliction hante ta couche et que ta femme, s'il en est une assez folle pour le devenir, soit plus malheureuse par ta vie que tu ne m'as rendue malheureuse par la mort de mon cher Seigneur. Las, avant d'avoir pu répéter cette malédiction en un temps si court, mon cœur de femme, grossièrement captif de ces paroles de miel, devint le sujet de ma propre malédiction. Donne-moi la main. C'est à cette hauteur que, par tes conseils et ton assistance, le roi Richard est assis. Mais devons-nous porter ces splendeurs un seul jour ou doivent-elles durer et nous en réjouir? Qu'elles vivent toujours et durent à jamais. Buckingham. Maintenant, je fais jouer la pierre de touche pour éprouver si ton or est vraiment pur. Le jeune Édouard vit. Imagine maintenant ce que je voudrais dire. Parlez, mon bien-aimé seigneur. Voyons, Buckingham. Je dis que je voudrais être roi. Vous l'êtes, mon trois fois renommé seigneur. Ah, suis-je roi? Oui. Mais Édouard vit. Vrai? Oh, amère conclusion. Qu'Édouard vive encore, vrai, noble prince? Cousin, tu n'avais pas coutume d'être si obtus. Faut-il être clair? Je souhaite les bâtards morts. Et je voudrais que cela fût exécuté tout de suite. Que dis-tu maintenant? Parle tout de suite, sois bref. Votre grâce peut faire ce qui lui plaît. Tu es tout de glace. Ton dévouement gèle. Dis, ai-je ton consentement pour qu'il meure? Accordez-moi le temps de souffler un répit avant que je me prononce positivement sur ce point. Je vous répondrai dans un instant. Je m'adresserai donc à des sots à tête de plomb et à des garçons sans scrupules. Ils ne sont pas pour moi ceux qui me scrutent d'un œil inquisiteur. L'ambitieux Buckingham se fait circonspect. Petit. Monseigneur. Stanley. Quelle nouvelle? Sachez, mon bien-aimé seigneur, que Dorset, le fils aîné de la reine Élisabeth, à ce que j'apprends, a fui rejoindre Richmond dans sa retraite. Viens ici, Catesby. Réponds le bruit que ma femme Anne est très gravement malade. Je donnerai l'ordre qu'elle soit claustrée. Eh bien, tu rêves? Je te le redis, fais croire qu'Anne, ma femme, est malade et sur le point de mourir. À l'œuvre! Car la nécessité s'impose à moi de bloquer tous les espoirs dont la croissance peut me nuire. Il faut que j'épouse la fille de mon frère. Sinon, mon royaume ne s'appuie que sur du verre fragile. Assassiner ses frères et puis l'épouser. Douteuse route vers le gain. Mais je suis si loin dans le sang que le crime entraîne le crime. La pitié larmoyante n'habite pas cet œil. Oserais-tu entreprendre de tuer un de mes amis? Si cela vous plaît, mais j'aimerais mieux tuer deux de vos ennemis. Eh bien, tu y es. Deux profonds ennemis, adversaires de mon repos et qui troublent mon doux sommeil. Ces deux que je voudrais que tu t'occupes. Je veux dire les bâtards de la tour. Donnez-moi les moyens d'arriver jusqu'à eux et je vous débarrasse aussitôt de la crainte qu'ils vous inspirent. Tu chantes une douce musique. Écoute. Voilà. Dis-moi, c'est fait, je t'aimerai et ferai ta fortune. Monseigneur, j'ai examiné dans mon esprit la dernière requête sur laquelle vous m'avez sondé. Oh, laissons dormir cela. Dorset s'est enfui et a rejoint Richmond. J'ai appris la nouvelle, monseigneur. Monseigneur, je réclame le don qui par promesse m'est dû, et pour lequel vous avez engagé votre honneur et votre foi, le comté de Hereford et les biens meubles dont vous m'avez promis la possession. Que répond votre Altesse à ma juste requête? Je me souviens, Henri VI prophétisa que Richemond serait roi, quand Richemond n'était qu'un petit garçon stupide. Monseigneur? Quelle heure est-il? Et comment se fait-il que le prophète n'ait pas pu me dire alors, puisque j'étais présent, que je le tuerais? Monseigneur, votre promesse du comté. Richemond. La dernière fois que j'étais à Exeter, le maire, par courtoisie, me montra le château et l'appela Rougemont. À ce nom, je tressaillis, parce qu'un barde irlandais, un jour, m'a dit que je ne vivrais pas longtemps avant, après, avoir vu Richemont. Monseigneur. Oui, quelle heure est-il? J'ai la hardiesse de rappeler à votre grâce ce que vous m'avez promis. Oui, mais quelle heure est-il? Sur les coups de 10 heures. Eh bien, laisse-le sonner. Pourquoi laisse-le sonner? Mais parce que tu es là comme un jacquemart d'horloge à retenir le coup entre ta supplique et ma méditation. Je ne suis pas en veine de largesse aujourd'hui. De grâce, m'accordez-vous oui ou non ma requête? Tu m'ennuies, je ne suis pas en veine! C'est donc ainsi? Mes grands services sont-ils payés d'un tel mépris? Ai-je fait roi pour cela? Souvenons-nous de Hastings et partons. L'acte tyrannique et sanglant est accompli. Le plus grand forfait, le plus pitoyable massacre dont jamais ce pays se soit rendu coupable. Dighton et Forrest, que j'ai suborné pour accomplir ce chef-d'œuvre de boucherie forcenée, ont beau être des scélérats endurcis, des chiens sanguinaires, ils fondaient d'attendrissement et de douce compassion, pleuraient comme des enfants, en racontant tristement leur mort. Nous avons étouffé l'œuvre la plus parfaite et la plus exquise que la nature ait forgée depuis la création première. As-tu pour moi une heureuse nouvelle? Si avoir accompli la chose dont vous m'avez chargé peut faire votre bonheur, soyez heureux car c'est fait. Mais les as-tu vus morts? Oui, monseigneur. Et enterrés? Le chapelain de la tour les a enterrés, mais où, à dire vrai, je ne sais pas. Viens me trouver aussitôt après souper. Tu me raconteras le détail de leur mort. Les fils d'Édouard dorment dans le sein d'Abraham. Et Anne, ma femme, a dit adieu au monde. À présent, comme je sais que le breton Richemond a des vues sur la jeune Élisabeth, la fille de mon frère, et grâce à cette alliance contemple orgueilleusement la couronne, j'irai la trouver et lui ferai allègrement la cour pour la conquérir. Monseigneur. Bonne ou mauvaise nouvelle que tu entres si brusquement? Mauvaise nouvelle, monseigneur. Morton a fui rejoindre Richemont, et Buckingham, soutenu par les intrépides Gallois, est en campagne. Et ses forces augmentent sans cesse. Élie, joint à Richemont, me chagrine plus que Buckingham et ses levées hâtives. Rassemble tes troupes. Mon bouclier sera mon conseiller. Il nous faut être brefs quand sur le champ de bataille les traîtres osent nous défier. qui m'arrête dans mon expédition. Celle qui aurait pu, misérable, en t'étranglant dans son ventre maudit, empêcher tous les meurtres que tu as perpétrés. Trompette, une fanfare. Tambour, battez l'alarme. Que les cieux n'entendent pas cette commère invectivée loin du Seigneur. Battez, vous dis-je. Patience. Parlez doucement, sinon, dans la bruyante clameur de la guerre, je noierai vos cris. Es-tu mon fils ? Oui. Alors écoute patiemment mon impatience. Madame, je tiens de vous ce trait de caractère de ne pouvoir souffrir les accents du reproche. Oh, laisse-moi parler. Faites. Mais je n'écouterai pas. Je serai douce et aimable dans mes paroles. Et brève, tendre mère, car je suis pressée. Es-tu si pressée ? Moi, je t'ai attendu dans le tourment et dans l'angoisse. Et ne suis-je pas enfin venu pour votre réconfort ? Non, tu le sais bien. Tu es venu sur terre pour faire de la terre mon enfer. Ce fut un lourd fardeau que ta naissance. Coléreuse et rebelle fut ta petite enfance. Tes jours d'école furent terribles, désespérants, sauvages et furieux. Ta jeunesse effrontée, hardie, aventureuse. Ton âge mûr, arrogant, perfide, sournois et sanguinaire. Plus calme, mais bien plus dangereux, dans sa haine doucereuse. Quelle heure de joie peux-tu citer que j'ai jamais goûté en ta compagnie ? Ma foi, aucune. Si ce n'est cette heure du petit déjeuner qui appela une fois votre grâce loin de ma compagnie. Si je trouve si peu grâce à vos yeux, permettez-moi de repartir et ne plus vous offenser, madame. Battez le tambour. Je t'en prie, écoute mes paroles. Vous parlez trop amèrement. Écoute un seul mot, car plus jamais je ne te reparlerai. Soit. Ou bien tu mourras par un juste décret de Dieu avant de revenir vainqueur de cette guerre. Où je mourrai moi-même de chagrin et de vieillesse. Mais plus jamais je ne contemplerai ton visage. Aussi, emporte avec toi ma plus lourde malédiction. Qu'au jour de la bataille, elle te fatigue plus que ton armure tout entière. Que mes prières combattent pour le parti adverse. Et que là-bas, les âmes frêles des enfants d'Édouard chuchotent à l'esprit de tes ennemis et leur promettent le succès et la victoire. Sanguinaire, tu es. Sanguinaire sera ta fin. L'infamie de ta vie escortera ta mort. J'ai bien plus de raisons, mais beaucoup moins d'ardeur à maudire. Pourtant, je dis amen à ces paroles. Restez, madame, j'ai un mot à vous dire. Je n'ai plus de fils de sang royal que tu puisses assassiner. Quant à mes filles, Richard, ce seront des nonnes en prière, pas des reines en pleurs. Aussi, n'ambitionne pas de frapper leur vie. Vous avez bien une fille appelée Elisabeth ? Vertueuse et belle, royale et gracieuse. Si, doit-elle mourir pour cela ? Laisse-la vivre et je corromprai ses mœurs, souillerai sa beauté, me calomnierai moi-même comme infidèle au lit d'Edouard et jetterai sur elle un voile d'infamie. Pour qu'elle vive hors d'atteinte du meurtre sanglant, je confesserai qu'elle n'était pas la fille d'Edouard. N'outrage pas sa naissance, c'est une princesse royale. Pour sauver sa vie, je dirai qu'elle ne l'est pas. Sa vie n'est sauve que par sa naissance. C'est par cette sauvegarde que ses frères sont morts. On ne peut rejeter l'arrêt du destin. Vrai ? Quand le destin est fait par qui rejette la grâce ? Mes enfants étaient destinés à une meilleure mort si la grâce t'avait béni d'une meilleure vie. Vous parlez comme si j'avais tué mes neveux. Quelle que soit la main qui a percé leur tendre cœur, c'est ta tête, indirectement, qui l'a dirigée. Nul doute que le couteau meurtrier était sans pointe ni tranchant avant d'être aiguisé sur ton cœur de pierre. Madame, puissais-je être aussi heureux dans mon entreprise et dans l'issue hasardeuse de cette guerre sanglante, que je suis sincère en promettant que je donnerai tout, oui, jusqu'à moi-même, à l'un de tes enfants. Si dans le léthé de ton âme furieuse, tu consens à noyer le triste souvenir des torts que tu supposes que je t'ai fait. Sois bref, de peur que le récit de ta bonté ne dure plus longtemps que ta bonté elle-même. Sache donc que du fond du cœur, j'aime ta fille. La mère de ma fille le croit du fond du cœur. Que crois-tu ? Que tu aimes ma fille du fond du cœur. Comme du fond du cœur, tu as aimé ses frères. Et comme du fond du cœur, je t'en remercie. Ne sois pas si prompte à mal interpréter ma pensée. Je veux dire que de tout mon cœur, j'aime ta fille. Et que j'entends la faire reine d'Angleterre. Vraiment ? Qui veux-tu lui donner pour roi ? Celle qui la fera reine, qui d'autre ? Comment ? Toi ? Moi-même ? Qu'en pensez-vous ? Comment te proposes-tu de lui faire la cour ? Mais ça, je voudrais l'apprendre de vous, qui connaissez le mieux son caractère. Tu veux l'apprendre ? Moi ? Madame, de tout mon cœur. Envoie-lui par l'homme qui a tué ses frères deux cœurs sanglants où seront gravés ses noms, Édouard et York. Peut-être alors elle pleurera. Présente-lui aussi, comme autrefois Marguerite présenta ton père, trempé dans le sang de Rutland, un mouchoir. Dis-lui que ce mouchoir a étanché la sève pourpre du corps de son tendre frère et prie-la d'essuyer les larmes de ses yeux avec. Si cette incitation ne la pousse pas à t'aimer, envoie-lui par écrit tes nobles actions. Dis-lui que tu as expédié son oncle Clarence, son oncle Rivers. Oui, que par amour pour elle, tu as vivement expédié sa bonne tante Anne. Vous vous moquez, madame. Ce n'est pas le moyen de gagner votre fille. Il n'en est point d'autre ! À moins que tu ne changes de forme. Et que tu ne sois pas ce Richard qui a fait tout cela. Supposons que j'ai fait tout cela par amour pour elle. Alors, elle ne peut que te haïr d'avoir acheté son amour au prix de tant de sang. Écoute, ce qui est fait ne peut pas être réparé. Les hommes font parfois sans réfléchir des actes que le temps leur donne le loisir de regretter. Si j'ai pris le royaume à vos fils, en réparation, je veux l'offrir à votre fille. Si j'ai tué les enfants de vos entrailles pour ranimer votre postérité, je veux par votre fille engendrer ma lignée de votre sang. Allons ! Allons ! Nous avons encore tant de beaux jours devant nous. Les gouttes liquides des larmes que vous avez versées reviendront transformées en perles d'Orient. Va trouver ta fille. Enhardis ces timides années de ton expérience. Prépare ses oreilles à entendre les paroles d'un soupirant. Et quand mon bras aura châtié ce petit rebelle, cette cervelle molle de Buckingham, je reviendrai couronné des lauriers de la victoire et conduirai ta fille au lit d'un conquérant. Je lui raconterai en détail mes conquêtes et c'est elle qui sera l'unique vainqueur, le César de César. Devrais-je lui dire que le frère de son père veut être son seigneur? Ou dirais-je son oncle? Ou celui qui tua ses frères et ses oncles? Comment lui faire la cour pour toi? Sous quel titre? Que Dieu, le droit, mon honneur et son amour puissent rendre agréable à ces tendres années. Dis-lui qu'elle sera puissante reine. Dis-lui que moi, son souverain, je suis son amoureux sujet. Plaide avec éloquence ma cause auprès d'elle. Je jure que... Si tu veux jurer... Si tu veux jurer quelque chose que l'on puisse croire, jure par quelque chose que tu n'as pas outragé. Eh bien, par moi-même. Tu as toi-même abusé de toi-même. Eh bien, par le monde. Il est plein de tes forfaits abjects. Par la mort de mon père? Non. Ta vie l'a déshonoré. Eh bien, alors par le ciel. C'est le ciel que tu as le plus outragé! Par quoi veux-tu jurer maintenant? Par l'avenir. Tu l'as outragé dans le passé, car j'ai moi-même bien des larmes à verser pour laver l'avenir de tes outrages passés. Ne me jure pas par l'avenir. Aussi vrai que je veux vivre pour me repentir. J'aime ta belle et noble fille. En elle réside mon bonheur et le tien. Sans elle, s'en suivent pour moi-même et pour toi, pour elle, pour le pays. Mort, désolation, ruine et déclin. Ceci ne peut être évité que par cela. Ceci ne sera évité que par cela. Plaider ce que je veux être, non ce que j'ai été. Serais-je tenté par le diable? Oublierai-je moi-même pour être moi-même? Pourtant, tu as tué mes enfants. Mais dans le ventre de votre fille, je les enterre. Là, dans ce nid d'aromates, ils renaîtront d'eux-mêmes pour votre consolation. J'y vais. Écrivez-moi très bientôt. Et vous saurez de moi ses intentions. Sotte, qui te laisse fléchir, femme frivole et changeante. Eh bien, quelle nouvelle? Très puissant souverain. Sur la côte ouest, arrive une puissante flotte. On pense que Richemont en est l'amiral. Elle se laisse dériver, n'attendant que l'aide de Buckingham qui les accueillera sur la côte. Catesby! Il est où? Ici, monseigneur. Pardon, Catesby! Vol vers le duc. Oui, mon bon seigneur, avec toute la hâte requise. Toi, viens ici. Cours à Salisbury. Et aussitôt arrivé, fais... Wow! Pourquoi restes-tu ici au lieu d'aller trouver le duc? Mais d'abord, puissant suzerain, faites-moi connaître le bon plaisir de votre Altesse. Quel message dois-je lui transmettre de la part de votre grâce? Ah oui, c'est vrai. Catesby, dis-lui de lever immédiatement les forces armées les plus considérables qu'il puisse réunir et de me rejoindre promptement à Salisbury. Je pars. Et moi? S'il vous plaît, que dois-je faire à Salisbury? Que voudrais-tu y faire avant mon arrivée? Votre Altesse m'avait dit d'y courir en premier. J'ai changé d'avis! Eh bien, quelle nouvelle ? Aucune assez bonne, aucune assez mauvaise. Ah, tiens donc, une énigme. Ni bonne, ni mauvaise. Bah, Richemont est sur les mers. Mais alors qu'il coule et que les mers l'engloutissent, qu'est-ce qu'il y fait, ce renégat au foie blanc ? Je sais pas, puissant souverain, mais je devine. Eh bien, que devinez-vous ? Eh bien, il fait voile vers l'Angleterre pour y réclamer la couronne. Le trône est-il vacant ? Dites-moi, que fait-il sur les mers ? Si c'est pas cela, je peux pas deviner. Hein. Vous ne pouvez pas deviner pourquoi vient ce Gallois ? Tu veux te révolter et voler vers lui, je le crains ? Non, ne vous défiez pas de moi. Alors où sont tes forces pour le repousser ? Où sont tes vassaux et tes partisans ? Ne sont-ils pas à présent sur la côte ouest pour couvrir le débarquement des rebelles ? Non, mes amis sont dans le nord. Eh bien, que font-ils dans le nord quand ils devraient servir leur souverain dans l'ouest ? Ils n'en ont pas reçu l'ordre, puissant roi. S'il plaît à votre majesté de m'y autoriser, je rassemblerai mes amis et rejoindrai votre grâce où et quand votre majesté le voudra. Ouais. Tu voudrais partir pour rejoindre Richemont ? Je me méfie de toi. Je n'ai jamais été et ne serai jamais un traître. Alors va, rassemble tes hommes. Monseigneur, l'armée du grand Buckingham... Silence ! Hibou de malheur ! Rien que des chants de mort ! Et tiens, prends ça ! La prochaine fois, tu apporteras de meilleures nouvelles. La nouvelle que j'ai à dire à votre majesté est que l'armée de Buckingham est dispersée et débandée, et lui-même s'est égaré et erre seul, nul ne sait vers où. Pardon, excuse-moi. Alors, s'est-il trouvé un ami bien avisé pour proclamer une récompense à qui ramènera le traître ? Cette proclamation a été faite, monseigneur. Mon suzerain, le duc de Buckingham est pris. Voilà la meilleure nouvelle. Le comte de Richemont, avec une puissante armée, a débarqué à Milford. C'est un message plus froid, mais qui doit être dit. En route pour Salisbury. Pendant que nous raisonnons ici, une bataille royale pourrait se gagner ou se perdre. Catesby ? Oui, très gracieux suzerain. Il va y avoir des coups, n'est-ce pas ? Il nous faudra en donner et en recevoir. Qu'ondresse ma tante. Je dormirai ici ce soir. Mais demain où ? Peu importe. Quelle heure est-il ? L'heure de souper, il est 9h. Je ne souperai pas ce soir. Catesby ? Monseigneur ? Sellez mon cheval blanc pour le combat de demain. Catesby ? Monseigneur ? Dis à ma garde de bien veiller. Laisse-moi. Vers le milieu de la nuit, viens dans ma tente. Aide-moi à m'armer. Laisse-moi te dire. Oh, Que demain je pèse lourdement sur ton âme, moi, pauvre Clarence, par ta ruse trahi et livré à la mort, demain dans la bataille souviens-toi de moi, et que privé de son tranchant, ton épée retombe. Que demain je pèse lourdement sur ton âme, moi, Rivers, mort à Pomfrey, désespère et meurs. Souviens-toi de Grey, et que ton âme désespère. Sanglant et criminel, éveille-toi en criminel. Et dans une bataille sanglante, finis tes jours. Rêve de tes neveux étouffés à la tour. Soyons un plomb dans ta poitrine, Richard. Et pesons sur toi pour t'entraîner vers la ruine, la honte et la mort. Richard, ton épouse, ta misérable épouse, Anne, qui jamais ne dormit une heure tranquille avec toi, viens maintenant remplir ton sommeil d'agitation. Demain, dans la bataille, pense à moi, et que privé de son tranchant, ton épée retombe. Désespère et meurs. Oh, oh, doucement, doucement. Oh, doucement, ce n'était qu'un rêve. Lâche conscience comme tu me tortures. Mais quoi, mais... Ai-je peur de moi-même? Il n'y a personne d'autre ici. Richard aime Richard, à savoir je suis moi. Y a-t-il un meurtrier ici? Non? Si, moi. Alors fuyons. Quoi? Me fuir de moi-même. Pour quelle raison? De peur que je me venge? Et là, j'aime moi-même. Non. Non, je me déteste plutôt pour les actes détestables commis par moi-même. Je suis un scélérat. Non, je mens, je n'en suis pas. C'est à désespérer. Pas une créature de même. Et si je meurs, pas une âme n'aura pitié de moi. Pourquoi en aurait-on, puisque moi-même, je ne trouve en moi-même aucune pitié pour moi-même? Il m'a semblé voir les âmes de tous ceux que j'ai assassinés venir à ma tente, et chacun menaçant appelait la vengeance de demain sur la tête de Richard. Monseigneur. Qui est là? Monseigneur, c'est moi. Ah, Cadmi. J'ai peur. J'ai peur. Monseigneur, armez-vous. Armez-vous. L'ennemi fanfaronne dans la plaine. Allons. Dépêchez. Dépêchez. Qu'on caparaçonne mon cheval. Faites venir Lord Stanley. Dites-lui d'amener ses troupes. Je veux conduire mes soldats dans la plaine. Et voici quel sera mon ordre de bataille. Mon avant-garde, composé d'un nombre égal de cavaliers et de fantassins, se déploiera tout entière en longueur. Nos archers seront placés au centre. Eux, ainsi disposés, nous suivront avec le gros de l'armée, dont la puissance sera renforcée de chaque côté sur les ailes par l'élite de la cavalerie. Hein? Casby, qu'en penses-tu? Bonne tactique, Martial souverain. Allons. Allons, messieurs. Chacun à son poste. Ne souffrons pas que des rêves bavards effraient nos âmes. Conscience n'est qu'un mot à l'usage des lâches, inventé tout d'abord pour tenir les forts en respect. Que nos bras vigoureux soient notre conscience, nos épées, notre loi. En marche! Allons-y, bravement, jetons-nous dans la mêlée, main dans la main, sinon pour le ciel, du moins pour l'enfer. Ouah! Qu'ajouterais-je à ce que j'ai déjà dit? N'oubliez pas qui vous devez affronter. Une horde de vagabonds, de crapules et de pleutres. Vous dormez tranquille, Ils apportent le trouble. Vous avez des terres et de belles femmes. Ils voudraient saisir les unes, souiller les autres. Et qui donc les conduit, sinon un misérable individu? Une mouillette qui jamais dans sa vie n'a senti le froid de la neige plus haut que ses souliers. Fouettons ces maraudeurs par-delà les mers! Allons-nous les laisser jouir de nos terres? Coucher avec nos femmes? Violer nos filles? Écoutez. Écoutez, j'entends leur tambour. Au combat, gentilhomme d'Angleterre! Au combat, hardis fantassins, tirez, archers! Visez la tête! Et prenez vos fiers chevaux! Et chargez dans le sang, épouvantez le ciel de vos éclats de lance! 1000 cœurs s'enflent dans ma poitrine! Avancez vos étendards! Ruez-vous sur nos ennemis! À l'assaut! À l'assaut! La victoire couronne nos cœurs! Le roi accomplit plus de prodiges qu'un homme bravant hardiment tous les dangers. Son cheval est tué. C'est à pied qu'il combat, cherchant Richemont dans la gorge de la mort. Un cheval. Un cheval. Mon royaume pour un cheval.